Le porte-parole de la Société du District central et méridional de l'Association générale des jeunes coréens en Chine a publié le discours Une communication qui appelle à ouvrir la nouvelle époque du 15 juin par la réconciliation et l'union de la nation.